Oui, allô, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, mes chers amis. Excusez-moi. Regarde, un background, mais ça ne tient pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de vérifier si je suis en ligne. Hein. Voilà, je pense que. OK. OK. Bonjour, bonsoir. Pense que... Voilà. Voilà, un tableau de bord, donc. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci, Nako Zalawana. Merci, Naolanda Bissou. Merci pour la confiance. Et nous revoici. Toya Kolobela, comme toujours, Makamabo Kanabiso. Et. Ah, déjà, la lumière, moi, qu'on a outil que Somba, ah ouais, mais ça me fait, le reflet me fait mal. Excusez-moi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tamo et Bélé, comme ça, tout démarrer. Tozali matinal, oui, c'est vrai, pour Tozanaba occupation, Moussous, tout ça là, Yango. Tozanaba Moukeb, moi, Batouba Kota. Voilà, Nabandi Nante. Mais Bango Bati Babandi. Donc, des chiens tribaux, des chiens tribaux. Babandi déjà quoi aboyer. Na lobby et l'autre. Ah, il semblerait que Batounio soit un nion sacré. Néni Boébi Mamsou n'a un nion sacré. Babandi déjà au fil. Voilà. Donc, des chiens tribaux. Dès que Bamonio, Babandi déjà au fil. Babandi, pourquoi oui? Peut-être naïe, pour n'appeler ça bas en angambote. Naïe, peut-être pour n'appeler ça ma camarade n'angambote. Bango déjà Babandi au fil. Bon, tu es bien, c'est la culture na bango. Moi, tu tenir rigueur exacte. Bazabande konabiso. Congo, ezali pays à multiculture. Moi, tu boyango exacte. Parce que ce bolongo les cultures à mamilivore, Congo est sous Congo. Donc, il faut l'accepter comme ça. Il faut l'accepter. Oui, toko lembate, pona Congo. Toko lembate, toko ya, to banda koya. Toko lembate. Toko lembate. Voilà. Donc, c'est dans le titre traité, mais en tout cas, Tokotia titre Nassima, moi je pense que titre trop comme titre Nassima, je pense que titre Nabiso et Kozala, qui est tribaliste? Qui est tribaliste? C'est lui qui pose les actes tribalistes ou c'est lui qui dénonce les actes tribalistes? Awa ezali esika ya bato oyo baza na bongo ya kokanisa. Soki depuis 6 mois ole nanu minute awa ezali esika na yo po topesa réponse. Mais na moins de 6 mois soki oliaki mbwa oliaki milu pardon awa okomprendre te. Vous n'allez pas comprendre. Natali net pour na tangaka bien ba message. Voilà. Et tokende na développement ya makambo ezo le kasiko na mboka na biso. Mais je voudrais d'abord commencer par moi ba historique, moi ba fait moko historique pour vous comprendre parce que ndenge na lobby si j'ai na biso ezali nani azali tribaliste? Point d'interrogation. Est-ce que ezali mutu oyo azali ko dénoncer tribalisme ou bien ezali mutu oyo azali ko sala tribalisme ou azala misala ya tribalisme? Alors, na lobi ke awa batu oyo bazali na bongo ba comprendre. Et soki oliaki mbwa na moins de 6 mois oyo soki oliaki mbwa pour comprendre été. Donc, pendant le mois de juin, si si konde toza na décembre, na kati awa soki oliaki mboa, soki oliaki milou, pour comprendre été. Parce que mes faits wan eza nan. Donc, pour nous comprendre, il faut que tika mboa, kolia mboa, na 6 mois. Donc, soki pendant le mois de juin, si si koyo, ole nan mboa te, omeli soupu ya milou te, pour comprendre. Voilà. Mes chers amis, tribalisme ezali ou ezali très na tribi. Au fait, ce que y du point de vue intersectionnalité, ce que y du point de vue activisme, il y a droit de l'homme, té, activisme, il y a droit ya mboka té, tribalisme, ezali, na gros, tribalisme, ezali, eloko ya mabé té. Tribalisme, ezali, par définition, ezali, eloko oyo, ezali, kè na tribi. Okomona batu mususu, par exemple, ba mongo. Soki ba koutani, ba sali association ba mongo, association où ils allaient traîner tribalisme, ils allaient m'abêter. Mais et comme m'abêter, ce qui est ma connotation moko négative. Et comme m'abêter, par exemple, na kati ya esika bozali batu ebele, okomona par exemple, un couple, babalani. Toloba par exemple, un couple mouyaka, babalani na muluba. Na kati ya couple wana ba tribi ezali mibale. Na kati ya couple oyo ba tribi ezali mibale. Donc, Muyaka na Muluba. Mais soko moni na kati ya ndako oyo, mutu moko entre ba couple, mutu moko aye ko impose, alobi na ndako na ngai munoko koloba makaka Chiluba. Wana ezali tribalisme négatif. Ezali mabe. À moins que ba couple ba mibale ba yokana. Et ndako na biso langue communication ezali Chiluba, langue communication ezali Kiyaka. Ça va. Mais ce qui est comme imposition na ndako na ngai kaka Chiluba, wana ezali tribalisme négatif, ezali mabe, yango tozo combattre. Nani azali tribaliste? Nani azali tribaliste? Nani azali tribaliste te? Et soki to lobi tribaliste, ndenge to zo lobela yango sikoyo, ezali ko kadre na sens ya activisme, na sens ya ba mouvements sociaux, na sens ya intersectionnalité par rapport à ce qui se passe na mboka na biso. Ko banda lelo te, ko banda banda mboka na biso ezali. Ko banda ba kolon ba ya na mboka na biso. Tribalisme positif ezali, tribalisme négatif ezali. Na kokene na ba histoire molaite, à l'époque de Mobutu, discours wana ezali. Koyebi ke tokoki kofinga Mobutu banda tongo ti pokwa. Banda tongo ti pokwa. Mais, parmi ma bilan positif ya Mobutu, ezali unité ya mboka na biso, ezali lutte contre tribalisme. Wana ezali baktif ya Mobutu. Ba discours ya Mobutu ezali. À tout moment, Mobutu soki a yoki. Un mouvement tribaliste négatif. Mobutu abandai kozela deux, trois jours, te ifa telemela yango. Na tikali jamais koyoka na discours ya Mobutu, parce que je suis né à l'époque de Mobutu. Na botami deux ans après prise ya pouvoir ya Mobutu. Na botami. Deux ans après prise ya pouvoir ya Mobutu. Ngai na botami. Na botami. Mokolo ya fête ya patrie. Batu bana o babotami siko bakoyeba te. À l'époque de Mobutu tozalaki na fête moko musala ezate, fête ya patrie. Et ce qui botali bien mon nom en réalité c'est pas Patrick. Mon nom en réalité c'est patrie. Alors, pour na ba bullying ya ba camarade nanga patrie, voilà comment est-ce que le nom a changé na patrie. Mais en réalité, c'est patrie. Na botama jour ya fête à patrie à 8h du matin. Mobutu azali ko telemela mutu nyonso, weyi ba discours na ye. Na mboka na biso. Batu ebele boyebi, esika bozayi na ba television na bino boyebi, esika bozayi na telephone na yo yebi, na computer na yo yebi, na television na yo yebi, na tablet na yo oyebi, na mboka na biso, boyebi très bien, ezali na kategori ya bato. Soki ba nome ye PDG, ko banda ye moko ti mutu akombo na kapatu ya tribina ye. Nani ayebi yango? Nani ayebi yango te? Biloko ya ndenga na Mobutu amonaki yango. Mobutu asalaki discours. Mobutu alobi na kati ya biro na yo soki ba nome yo PDG. Okoki kozala ba proche collaborateur na yo ya tribi na yo, ça pose pas problème. Mais ba leka quatre te. Ezali terme nanga te, phrase nanga te, c'est la phrase de Mobutu. Ba leka quatre te. Proche na yo. Mobutu a monaki. Ce qui se passe. Donc, Mobutu, à cette époque-là, a dénoncé ba acte oyo. Ya tribalisme négatif. Donc, Mobutu était tribaliste. Donc, vous voyez que tozali na catégorie ya bato na mboka na biso un d'abord bazala kabandoki. Je sais de quoi je parle. Boyebi na mboka na biso, boyebi. Ezali na catégorie ya bato. Okoyi kotikela ye mwana te. Non na ke wenze tika otaye langa mwana. Et pas na biso société na biso ba voisin, ce qui kuna bolambi, ba voisin mso bakoyi koya, boza na retard. Bako pe sa bana oyo bazana retari ya kolia peut-être mama zongi na mte bako pe sa bango bilo ya kolia mais to yebi ndenge bo vandi wana bo yebi ke ezali na kategori ya bato msusu na mboka na biso ezala bana na yo bazali na nzala okoyebi sa bango keba na ndako wana kokende kolia te keba bato wana soki bapesu eloko kolia te keba bo yebi bango bo yebi bango. Boyebi bango ndenge bozo tala ngai boyebi bango. Nani azali tribaliste? Nani azali tribaliste? Est-ce que moto azali tribaliste? Oyo azo sala misala ya tribalisme? Ou bien, oyo azo denonce, azo telemela tribalisme? Qui est tribaliste? Celui qui pose des actes ou celui qui dénonce les actes? Tokende na ce qui se passe na lobela yango mais il faut kozongela na mboka na biso semble prenons l'exemple na okota na makambo politique tokende na tribalisme prenons l'exemple ya ba politiciens oyo ba yebani mingi. Tokene na ba o ba na pouvoir maintenant. Tshisekedi ou je peux dire famille Tshisekedi. Na explika bino l'historique ya UDPS ndenge ebanda. Avant UDPS ebanda, à l'époque de Mobutu. Phrase o na zoloba boko comprendre suite er na kolonga da tribalisme. À l'époque de Mobutu, ezali na bato oyo basalisa ke Mobutu. Po mboka na biso er Mobutu azui pouvoir, mboka na biso etikala kaka na parti bo moko. Mokonzi bo moko. Ekolo bo moko. Bato wana bayebani oyo bazalaki pembeni ya Mobutu ki ont proposé na Mobutu po to renier malamu. Il faut partir ezala moko. Mokonzi ezala moko. Ndengo za libomo na ya mama na zemi mwana za na kata libomo azali na impère batwana boyebi bango entre autres et scientifique wa Mulumba qui ont proposé à Mobutu mboka na biso ezala état moko na kangi na parenthèse wana na kufungula yango tango tokota na parti politique et Tshisekedi Mayeko sala UDPS, yé mokote. Et d'abord, il faut savoir que l'idée yako sala yako longwa et pas Mobutu, ma parlementaire ne venait pas de Tshisekedi. Idée wane wutaki na batumususu, ba bengi peye yako kota, a yeko kota. Mais comme vous le savez, y a une catégorie ya batu namboka na biso même bostali yeloko, yomoko za initiateur yeloko wana. Soki okoti siye, azali yé moko, ça va. Mais soki bandeko na ye ba yeko kota, Mwanetu. Et loko ane komi ya bango. L'UDPS a commencé nenge boyebi ezalaki un parti national. Excusez-moi. UDPS ezalaki parti national. Représentation ya ba région na biso nyonso ezalaki. Et nandenge ya bien. Voilà. Batu oyo bayaka soki baye meme loko eza ya bango te bakodongola bino ekotikala ya bango. Parce que ils utilisent la sorcellerie kindoki ba utilisa kindoki pour n'est-ce pas kolongola batu mususu. Ils utilisent kindoki la sorcellerie, ils utilisent le mensonge. Ils utilisent la victimisation. babomi babandi kolela ke babomi biso nzokande bango bato babomi ils sont comme ça bazali bongo ba éliminer bato mususu nyonso jusqu'à ce que les deux pèses etikali ndenge boyebi yango kobanda président ti na moto asuka o azo kozwa décision na UDPS azali moluba na lobi bien kobanda président ti moto asuka kozwa décision azali moluba parti o ebanda ki national o tomona ki baliau bambwankiem bakibasa bakyungu région nyonso ezala ki représenté. Voilà les lots IDP Sétikali Ndengeni. Bayaki na Kindoki, la sorcellerie, na Lukuta, na victimisation, dans le sens que Ope sa Mobutu Mbote, Balongolio. Okuta nana mwana Mobutu, Balongolio. Okuta nana ndeko Mobutu, Balongolio. Mais ye moko, na kati na bango etien tseke da bani okuta na mobutu etien tseke da bani kolia na mobutu etien tseke da bani kozwa mbonga mobutu bana etien tseke da bani okuta na bana mobutu mwasi etien tseke da bani okuta na mobutu balongoli ete batikali kolongola yete donc etien tseke di est mort banda ba banda banda azalaki na mobutu ti ndenga ye kukufa Etienne Tshisekedi zero faute Etienne Tshisekedi zero faute et tout le monde doit accepter tout le monde aux alliés obligés ondima que Etienne Tshisekedi banda botama ti aye kukufa zero faute Saint-Esprit Bino nyonso ifu bondima. Soki oboyi ozali mobutiste. Soki oboyi ozali mobutiste. Eza lokola na spiritualité. Donc soki oboyi nzambe ozana satan. C'est comme ça avec bandeko na biso oyo. Soki oboyi etien Tshisekedi ozali mobutiste. Et cette histoire se répète. Na kokota na ndenge Félix Tshisekedi azwi le pouvoir te. Boyebi yango. Bato ya UDPS bango bandimi yango. Dile zalaki. Kabila ndimi yango dile zalaki. Baye ko rejoindre biso ya solo dile zalaki. Merci pour l'évolution wana bravo. Boye ko ndima. Boye ko rejoindre biso ke di les alaki. Mes chers amis, balobi ke bango bazali ba démocrate état de droit, le peuple est d'abord, liberté expression, politique na biso ezali multipolaire maintenant. Tozali na politique moko multipolaire. C'est-à-dire, Moutou akoyiko pona azala moutou ya UDPS. Akoyiko pona azala moutou ya PALU. Akoyiko pona azala moutou ya PPRB. Akoyiko pona azala moutou ya INC. Akoyiko pona azala na parti politique T. Akoyiko pona a évolué na résistance. Akoyiko pona a évolué na neutralité. Multipolaire. Tshisekedi na pouvoir. Na tango batu babanda ikolo batye, en réalité, l'UDPS etikala parti politique te, etikala quelque chose tribal, batu azala ikondima yango. Parce que le tribalisme négatif, en réalité, ezali na UDPS, le tribalisme négatif, ezali na bandeko na biso luba. C'est vrai. Botala même na mascara ya élection ndenge ba publier qui le peut parce que ba publier que les résultats ont été bureau par bureau comme la loi l'exige. Ils ont publié les élections selon Moutema na ye Kabila. Il a publié ces élections. Mais la partie où il a publié, regardez comment est-ce que les Congolais ont voté. Félix a été voté na Bandundu. On a voté Félix na Kinshasa. On a voté Félix na Kasai. On a voté Félix na Équateur, na province orientale, na Kivu, na Katanga, na Bakongo. Okomona, en tout cas, moi, bon nombre y a partout qui ont voté Félix. On a voté Félix na Kinshasa, na Équateur, na Oriental, na Kivu, na Katanga, na Bandundu, na Bakongo. Regarde, on a voté Chadari na ba province wana pe nyonso. Mais regardez qui nos frères kasaïens ont voté. Qui nos frères kasaïens Luba ont voté? Majorité écrasante. Tshisekedi. Mais na Bandundu, Fayulu, majorité écrasante, c'est le col à voter qui Félix Nakasai. Chadari, majorité écrasante, c'est Nakivu, le col à voter qui Félix Nakasai. Voyez-vous le tribalisme? Avant la côte à Misala, l'élo na moma o ndenge to zoloba. Considérons que Félix a sa présidente. Considérons. Donc, une approche. Considérons, Fayulu n'a pas été élu à sa présidence. Mais le contexte politique y a bouillé. Bon, on a dit, chapeau, il y a président, chapeau, il y a président. Lélo, na moma, on est toujours dans le monde, nabino. Félix a connu qu'il y a qui quitte. Beaucoup de monde, Batabandun, Bayaka, Basuku, Bambala, Bakweso, Basongo, Babunda. Babunda. Bango Nios. Bokomona bakoya koyamba Félix. Libanga mokote ekotele ekomata likolo babamba Félix. Mais est-ce que na moment oyo lelo ndenge toza bo na contexte oyo Fayulu akoyi ko tia pat na ye na Mbujimayi. Fayulu akozonga mobimba. Fayulu na moment oyo akoyi ko ke na Mbujimayi akozonga mobimba. Voyez-vous le tribalisme, c'est que ça. Toko tanami sala. Parce que tozo mona des gens, bandoki. To yebi très bien que bango, kindoki, c'est la culture. C'est victimisé. Basali kindoki, ba monte ba kou, ba se victimisé. Non, ba zo sala biso boy, ba lingi bisote. Mais non! Qu'est-ce que vous faites pour Balinga Binoté? Pourquoi? Pas tout le monde, Kakabino, pourquoi? Posez-vous d'abord cette question. Kabila Pessi, Félix Pouvoir. On a un souci de répondre, Nani Azak tribaliste. Kabila Pessi, Félix Pouvoir. Parti politique na bango IDPS batika la kaka bango na bango baluba bazala baluba te problème exacte c'est privé, c'est pas national, ça n'engage pas le pays, ezali ba fait privé. Mais dès lors oye kokoma président ba pesi yo signature nationale, faites attention na ba acte. Olongo na ba acte privé, oyo zalai ko sala na ndako na yo. Oyo zalai ko sala na famille na yo. Oyo zalai ko sala na parti privé na bino. Vous devenez un national. Ozali lisusu na connotation tribalité, ozali lisusu na connotation régionalité, ozali lisusu na connotation ethnicité au commun national. Tout ce que okosala, likambu nyoso okosala, okosalango en termes d'équilibre. Okosalango en termes d'équilibre national. Na tango bozali ko voté budget, par exemple. Loi wana ya budget soke yé pa président pour promulguer yango. Président akotala. Na budget na biso mbongo ezali boni. Par exemple, na mbongo oyo na développement alloué na ba province. Parce que nos provinces ezali mingi mingi dominé par des tribus. Ba province na biso mingi mingi ba tribus mo ezali dominé. Na tango ba yeli yo projet de loi ya budget pour promulguer yango. Il faut regarder, est-ce que le budget est réparti équitablement par rapport à la province Nabiso? Est-ce que le budget est déséquilibré? Est-ce que le budget est défavorisé par la province Moussoussouté? Mais ce qui est président, il y a un projet de budget. Natala, na revoir yango, avant de promulguer yango. Ce qui est que ma province Nabiso, ngana kendaka na 11 provinces. Le 26, là, moi, je ne connais pas. C'est l'histoire, les choses de Rouberois. Ce qui n'a moni, na 11 provinces, moi, je suis de Bandung. Ce qui n'a moni que, na budget Nabiso alloué na ba province, 60% ya budget est allé alloué na Bandung. Na ko promulgué budget wanate. Na ko senga explication. Pourquoi? 60% sur les 11 provinces, 60% ya budget est allé alloué na Bandung. Pourquoi? Ba raison ba ko pe sangai. Ce qui est allé ba raison moko national, on peut se dire aujourd'hui, bon, na électricité, tozo par exemple, budget mingi za alloué na ba Congo. Pourquoi? Na ko tuna question, pourquoi budget oyo mingi na ba Congo? Oui, parce que toling to tonga barrage dinga eza la makati, et pe électricité na mboka mobile. Ah! Barrage Dinga qui se trouve dans le Bas-Congo, budget ya électricité et énergie et kende mingi na Bas-Congo, et ko kende na Bas-Congo po ba lesa batu biloko koliati, mais ko kende na Bas-Congo po na électricité ya barrage Dinga, pour que ce qui va salir yango, énergie o yoko servir et ko de servir mboka mobimba. Voilà. Mais ce qui na moni ba tiango na Bas-Congo parce que et kende mingi na bilo akolia ba taba Congo, batonga ba magasin mingi na ba Congo, batonga kaka bantela na ba Congo, 60% budget kaka kuna na kosigne yango. Un président de la République dans un pays multitribi, ba réaction na ye doivent être des réactions, des actes d'équilibre national. Boyebi ke eloko ba bengi président de la République ezali institution lokola parlement. Lokola gouvernement. Lokola justice. Dès lors ba nomé yo président, ba nomé yo ou ba voté yo. Vous devenez national. Na tango zali ko nomé ba conseiller na yo qui doivent travailler na institution président de la République, il faut tenir compte d'équilibre régional. Et surtout ce qui bolobi qui est parti na bino zali national comme Boyebi Sakabiso, mais ce que nous voyons nous c'est les tribales. Tokene na hypothèse na bino, na approche na bino que votre parti l'IDPS est national. Voilà un président d'un parti national, l'UDPS, qui atterrit au pouvoir, qui nomme ses conseillers sans tenir compte d'équilibre national. Parmi les 1000, Oyo Aye Nabangona président, vous allez voir que en réalité, 80-90% Bazali Batuya Tribinaye, Baloba. Wa na zali musala ya tribalisme négativité. Alors, na moto oyo azui papier na bic a signé ordonnance ya ko nomi ba conseiller na ye, ba ndeko na ye, ba tribu na ye, famille na ye, ba cousin na ye, ba cousine na ye. Bango nyon so la plupart to lo ba 80-90% bande ko na ye ba luba. Ye moutou azali tribaliste ou bien ngayi moutou na zo denonce ke en réalité au niveau national ba sala ka bongo te il faut tenir compte d'équilibre national. Nani aza tribaliste. Voyez-vous esika kindoki ezali makasi na bande ko na biso. Voyez-vous ici qu'à Kindoki Ezali Makati na bande kona biso. Nani azali tribaliste. Félix ce qui a eu ordonnance. Ce qui a ligné qu'on nommé 10 personnes. Vous allez voir 8 bakozala baluba. Et belé ce que moni aza muluba te. Ce qui olandé li mutuana malamu. Soit abala muluba. Soit ndeko ya mutuana bala muluba. Quelqu'un m'a dit, yo loba kamini kaka, ozo loba, na présidence qu'on n'est pas Félix, azali na conseiller, entre guillemets. Ya ndeko na yo, mouyaka. Azali? Dabi, oui. Ndeko na mouyaka azali, c'est vrai. Voyez-vous pourquoi Félix a nommé? C'est parce que ndeko na azali makangu ya topé? Ndeko wana azali makangu ya topé? Ce qui ne connaît pas la topette, ne connaît pas la langue de la conseiller. Nani azali tribaliste? Nani? Moutou o azali ko sala misala ya tribalisme, zomo na, ngayi na zwana na misala, moussala fonction publique. Vous me taxez de tribalisme parce que je dénonce le tribalisme ya bino. Je vous ai dit, ceux qui boyaient awa, ceux qui botali même na chat oyo, boko mona batu oyo bazali ko attaquer biso. Bazali ko funda biso tozali ba tribaliste, soko tali ba kombo na bango, Muteba, Ngoi, Kazadi, Ilunga, Mwamba. Et soki omoni kombo mususu, kombo aneza kombo kongolete, eza ba sobrike o ba sali konti ya lukuta, ache kombo mususu. Au moins, nous sommes combinés Jean Saint. Na Congo, Jean Saint Bazala. Ce qu'on l'entendait bien, Jean Saint, on a vrai combiné Kazali. Ce qu'on l'entendait malam, Jean Saint, on a combiné. Il y a solo ce qu'on l'entendait au moins a combiné Muteba. Ngai soki bolandi nazwana mu musala fonction publique na Congo. Mena musala na nga ndenge na salaka. Soki otali tokende kana hypothèse na mboka kore. Na capacité na nga ko salisa bandeko. Soki otali malamu batu oyo na salisa na kore ba réfugiés na terme ya ba congolais. Soki otali malamu sur les 32 Congolais au bazo mukanda na mboka kore. 16 bazali baluba. 16 bazali baluba. Mais musuku mokote moyaka mokote atikala kozo mukanda ya kore na ndela nanga. Basuku bazali. Soki na lekisi bino inbox nangai bande kona bazolela. Papa Yombi, yaya, ozo salisa batu mususu biso bande kona yo basuku te. Deux soukous, par exemple, que j'ai tenté d'aider. Moko, dossier na tribunal. Na keyi na tribunal, na kende ko samba po na ye, na tomboli liboko. Libosa ba jige coréen. Na koko sate. Na sambeliye. Ndeko wana deja mikanda basi ba pekisa ye deja, azwa kakuta takate te. Azwa kanangote. To pesiye conseil. Zongi sa dossier. To aide ya zongi sa dossier. Dossier ba rejeté ye na immigration. Il faut akende siko na tribunal. Ake na tribunal ya liboso. Na kei, ngai, na telema. Ba ndeko wana na mwasi na ye. Ba vandi. Avoka na bango, avandi. Na telemi, liboko likolo. Na jire devant ba jige. deux semaines après Ndekona ba PC Mukanda, immigration ya Corée ba rejeté ba boy. Balobi en tout cas toyebi ndeko o ya tali réfugié. Ba kei na tribunal ya Libos ya Mibale, cour ya Mibale. Jour ya jugement yo coïncidé mabe, ba bengi ngai na oni na kende koloba. Je croyais que bakoyi kotia. J'ai demandé à l'avocat, bon, le coup les allés date wana. Na koyi ko renoncer ko ke na onite, les allés problème ya monde. Oyo, les allés problème ya mutu individu. Mais na oni na zo ke ne prend problème ya monde. Alors, na ko lukana tricher moi minute, boko toyi ko sala ngona témoigner par vidéo conférence. Mais ma juge ba boyaki. Ndeko na benginga na lala ki papa ozawapi. Nabe en tout cas na New York. Mais ezali lelo ngabi non, nazali avocat na yote, avocat na yo azali. Na senga ki na avocat ba changa na vidéo conférence. Soki ma juge bandimi, bon ça va, soki bandimi te, bon je pense que avocat na yo akosala tout. Nazala kite, ndeko na basambi ba rejeté kana. Musuku Ndekwa mi balé la même chose. Moussouk. Na privilégié. Na sauvé famille ya balouba. Na aéroport. Ba kangi bango na aéroport. Mwasi. Mwasi malade. Abelaka kisi chaque jour. Soye kisi zate koukoufa. Na bana. Na aéroport pendant 4 mois. Ba kangi bango. Na abandonné. Parce que l'immigration me demande yombi fou kopé sa dossier moko. Oyaka toujours na ba dossier belé. Toko sali sandengeni. N'a abandonné ma sœur Moussouko. N'a présenté dossier à Balouba, à l'aéroport. Famille à Balouba. Bazwa Mukanda. Balongo la bango à l'aéroport, bakot sa bango d'amboka Bazwa Mukanda. Bazwi Mukanda. Na la kisabino. Communication nan ndekwana, na aéroport, na mwasi na ye. Les mêmes Louba. Oyo ngai na salisi ba sali 4 mois na aéroport ba kanga bango bazom sabango na Angola kobimi sababimi si bango ngana ebaki bango te bango moko ba yoki apate aéroport place bazalaki bato bazoloba olingi aide luka mutu moko ba bengi yombi olingi aide luka mutu moko ba bengi yombi olingi aide luka mutu moko bango moko tellement numéro de téléphone nanga bazalaki nango te na kore ba pesa numéro de téléphone pas encore. Ezaka kabiso ba kore ba kongole o pesi mutu numéro de téléphone o koyoka mutu na pesi mutu mususu ozi numéro de téléphone na ngawa o mutu tel mutu pesi ba pesa numéro de téléphone na mutu sans avis na yete ba yebisi mo eto pesa yo numéro de téléphone na ye ezate mais luka ye na réseaux sociaux na Facebook o contacté ye ndeko wana ye moko a contacté ngai na la kitabu no ba image na Facebook na ngai zali ozali nani akosi ngai a yebi très bien. Avito za balubate. E na tuna ki pete ke oza mulubo bien nani. Na edende kwa na. Kolela ye na mwasi. Na bana na aéroport. Na aéroport balalaka na chambre te. Balalaka juste na sal. Ya ba voyager na ba kiti ya ba voyager. Ko bima bimi ndeko na ba pesye mukanda. Un mois après ndeko na ndako na ye. Komi ndako sa la réunion contre nga. Baluba nyoso bakesangana na ndako wana basala renyo kontre ngai. Ngai mutu na sove ye. Bazongi sa ye na Angola tena ba. Tribalista za lakabongo. Ndeko ya vili ye chimanga na ebi sabino na loba yango. Ndeko ya vili ye chimanga na Malezi. Na sali ya pandezon bakanga ye na pimbo. Ateka ka pimbo, bo yibike na Malezi, so yiba kangi oteka ka pimbo, ba kupandre yo, kuna ba panda ka batu, ifu kupandre yo. Ndeko wana keyi, tribunal la, sili, bon, decision ba pandre ye. Decision ba pandre ye. Ba longole na prison normal, ba memiye na esika o batu bazela ka quelques jours après ba pandre yo. Présidence na bino ya Félix ba bengi ngai. Présidence na bino ya Félix. Suivez-moi. Parce que na sina lo baba ndeko msusu o bazwa ko finga. ils connaissent pas Makambo Ezali Ndengeli. Président ça Félix Babengi ngai. Ba sali réunion kuna e pa na bango na président. Ndeko ya vidé chimanga il faut ba prendre yé. Tokokota en contact Ndengeli na gouvernement ya Malaisie. Pour que gouvernement Malaisie ba yoke la ndeko mawa ba bo maite. Mais aza déjà na phase ya pendaison une semaine. Une semaine côté, moins d'une semaine, va prendre. Un vendredi, n'a pas quoi. N'a suis coup d'appel, il y a présidence, il y a Félix. M'appelle. Bango moko présidence, ma moni moyen, au côté en contact, n'a gouvernement Malaisie, exacté. Présidence, à Félix, wa Benginga. Professeur, tu y es biqué, tu as allé dans la divergence politique, mais awa, ezali makambouya, moi, n'a mboka. Moko balinko bo malamboka Malaisie. To luki moyen to kota en contact na gouvernement malaisien moyen exacte po to zana relation diplomatique te. Et to ye komona ke ezali yo ozali influent na Asie, peut-être ko yiko salisa biso pour ke ndeko oyo babo mayete. To kota en contact na gouvernement malaisien. Bandeko pardon, bolanda. Même si na lobaki yango, ya DC oyo bazwa ko finga biso ba yoka. Nani azali tribaliste. Non, mais bon, il y a des problèmes en réalité humanitaire. Ça ne concerne pas la politique. Azaline de Konangai, n'a quoi aider. Qu'est-ce que je fais? Vendredi, n'a pas quoi faire. Je suis étudiant. Il y a des étudiants qui sont très belles, qui sont en Corée pour na kutanga. Na yeko tala carnet nanga d'adresse, na monika, ah oui, j'ai deux étudiants na Tangisa. Et nga moko pe na kenda na Malaisie. Et organisation Oyo Nazala ki président, vice-présidente Nangai, na mandat ya Suka. Vice-présidente Nangai, Azala ki malaisienne. Bon, 50% malaisienne, 50% anglaise. Na bengi nan étudiante Nangai. Étudiante Nangai, asalaka na lelo, na bureau ya premier ministre. Il y a Malaisie. Na lelo, ndenge na zozi, ita bino boye. Étudiant nangai a salaka, na secrétariat, na cabinet plutôt, il y a premier ministre à Malaisie. Vous voyez que na Malaisie, bazali na roi. Mouta gouverne, na katou, ezali premier ministre le kola na Angleterre ou bien na Canada. Na bengiye. Voilà la situation, voilà la situation. Est-ce que moyen kouye denga ezali? Étudiant na yipsinga professeur, ou yebi ki mboka na biso, bazalaka très strict na makambo ya diamba. Ce qui va kangiyo, il faut ba boma yo. Eza difficile. Eza li première demande ya aide aux osalangai. Et une demande très difficile. Professeur, nazana capitale te, nazana province. Alors, nazo kata séjour nanga awa, parce que msala na mninga sala na silisi, nazonga rapidement. Na keneko bonde la premier ministre. Vendredi na poko. Samedi, cette étudiante a zongi na Malaisie, na capitale. Contact na premier ministre. A expliqué premier ministre. A bengingai. A bi, professeur, m'expliquer premier ministre a bi, a yebio, d'abord a yebio, bosi bokutana. Mais, abandaye ko se rappelete, elle na expliqué ye, na la kite ba poton denge bokutana, a yebio. Mais, a lobby ezali très difficile, c'est seulement le roi ou a koyiko signé, autorisé ke ba pandre moutouana te. Pour aza déjà na liste à comprendre ba memi epe et sika ba panda kabat samedi ba contact na bengi susu o azala ki vice présidente nangai comme na ye Lilian na Facebook na tia ba photo na ye entre autres na bureau ya Félix ba yebi singa Félix a dépêché ministre ya diaspora monsieur Ilunga Erwana pour akende Malaisie, mais azana visa Malaisie te, akangami na Inde. Président Tshisekedi, en contact nanga permanent. Ministre Tshisekedi, ou atinda ki ya diaspora ilunga, na Inde, na contact nangai. Na bundani, na sololi na ministre ya justice. Na sololi na directeur ya cabinet ya premier ministre. Le lundi, réunion, ministre de la Justice à Malaisie. na bureau premier ministre. Représentant ya roi na bureau premier ministre. Réunion. Entre temps, ministre ya Félix na inde akangami visa Malaisie ezati, asengi visa kwa kende Malaisie azo zela visa ebima. Tout na zana ngona tchango na Facebook. Il faut pas prendre un déco oyo mercredi. Mercredi, il faut pas bomayer. Mercredi. Bah, si ba meme ye Bible. O sambela. Mercredi, ba zo bomayer. Mardi. Mardi. Bureau premier ministre ba benginga. Professeur, on a tout fait. Ndeko oyo ba bomayer souté. A cause de la prison. Pendant 20 ans. Mardi, balongoli ndeko oyo ne sika ba bomaka batu. Ba zongi siye na prison. Normal, loko la makala. Mardi, na tongo, era Malaisie. Vers 16h, era Malaisie, ministre ya Félix Atindaki, ba pesiye visa akomi na Malaisie. Ngai, na tinda étudiante na ngai bangomi balé. Na tinda kamarade nanga, wazaki vice-président nanga. Bakene na aéroport, bakene kozwaye. Le ministre de Félix, na ambassadeur ya Congo na Inde, bakomi na aéroport, bakamarade nanga bake zwa bango na aéroport, bake kotia bango na hôtel. C'est moi qui ai payé mbongo hôtel. Ministre wana, azaki muluba, kombo na ilunga. Félix aza muluba. Je n'ai pas utilisé. Na za tribaliste te. Na yeba ike baza baluba bango nyoso. Mutu o bazo boma muluba. Ministre Félix Atindaki muluba. Ye moko Félix muluba. Soki na za laka tribaliste. Est-ce que j'allais aider de kwa vidye tchimanga? Nelon de kwa vidye tchimanga. Za libre de kichaka. De kwa vidye tchimanga lelo. Za libre de kichaka. Ba mina ngayi ba zui ministre wana. Ba memiye e pa ya ministre la justice. Ba photo izali. Ba merci ya ministre ya Félix. Ba merci a partir ya président. Me ministre wana na tangwa zongi. Avana na zonga. Il m'appelle prof pardon. Ba katelier 20 ans na prison. Est-ce que moyen zate o continue toujours kwe den de konabiso. Ba diminye ata moi. Ou bien ba refouleye. Ça va, je vais le faire. Na poussé le sous, na poussé. Et longue 20 ans de prison et commis un refoulement. Bakangi bisakanaye azonga na Congo. Kozonga ndeko wana azongi. Na ministre ya Félix, na batu ya Félix ba milvor. Tout le monde, merci na prof Yombeza. Ba petit merci na Fati Béton. Diplomatie à Fatih Béton installé. Un Fatih Béton qui ne savait pas comment consulter un pays, même besoin d'un rapport diplomatique. Mais ba carnet d'adresse ba pays union sur membre ya ONI. Ezali na présidence, na tourna bango kout na présidence. Oh. Mais bino besoin d'un contact ya Malaisie. Kabila tiki na bino carnet d'adresse. Ba bino atike lo. Ba seki kout atika ilo kote. Na même atike ilo kote, mes chers amis. Bozali na ministre des Affaires étrangères, carnet wana il faut ezala, même bozali na relation diplomatique. Mes chers amis, batu oyo bazongi na Kinshasa baliki na RTNC. Merci Fatih Béton, diplomatie à Fatih Béton. Merci na gouvernement malaisien. Merci à Tamu Mokolo Mokote na Yombi. Merci à Tamu Mokolo Mokote na Yombi. Nani azali tribaliste? Ngaye moutou nazo dénoncé tribaliste, ngaye moutou nazo salisa bino, ou bien bino batou bozo salamisala mabé à tribalisme. Ngala ouye sa bino ke, ndenge nazaboye, nazo aide à moulouba mokote. Ti ndenge nazaboye, nazo aide à moulouba mokote. Moulouba ou aedanga ya tombe la moussapi, nani? E aedanga nan denge ni, nani? Moulouba mokote. Nani aza tribaliste? Nani aza tribaliste? Etienne Tshisekedi wa mulumba na 2011. Kabila botolie élection. Ngai. Ngai na mboka kore. Nande ko moko ba bengi lomboto. Ndeko na za toujours na kore. Azali wana za na famille na ye. Bo benga ye botuna ye. Biso mi balé on a organisé to sala mas pona mbala liboso na histoire ya Kore. Mbala liboso, je dis bien, mbala liboso na histoire ya Kore. Ba paya ya mboka mususu ba organisé marche ou bien sitting liboso ya ambassade ya mboka na bango te mais ya mboka mususu. Ce n'est pas n'importe quelle mboka, États-Unis d'Amérique, Belgique. Ngai na ndeko na lombo. To kaboli ba charge. Ndeko na lombo to telema aza na communauté congolaise, nga aza muta communauté congolaise. To yokani bon, yo lokolo za muta communauté congolaise. O invité ba to po ba ya. Ngai na comment charger na service ya intelligence ya Corée, na police ya Corée pour to zwa autorisation ya marche. To kotisa na kotisa mikanda. Police aboya. To koiko sala ngote parce que esika boli ko sala démonstration ana. Liboso ambassade États-Unis, présidence ezali na 50 mètres. Bo comprendre, na 50 mètres, présidence na bango. Bino bapaya, batu mwindu, bafrikain. Liboso présidence ya Corée, boya kosa la démonstration na bino, liboso ya ambassade ya États-Unis. E boye bi relation ezali entre Corée du Sud na États-Unis. Police aboya, na ebisi police, soki boboyi toko sala yango. Nous avons demandé. Police a yebi sanga soki bosali toko kanga bino. Abi problème ezali te bokanga bino. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mobilisé la presse coréenne. Na leka na télévision coréenne. Na expliqué pourquoi toli ko sala machwana. Et loko nini bato bazo sala na Congo. Tozo senga na bango ba congolais ba voter et quel Tshisekedi wa mulumba. Tozo senga na bango batika ko soutenir Kabila. Lelo ba komisinga kabiliste, oza kabiliste, tende ko zwa mukanda PPD. Ngai na mboka Kore. Kongole moko te ayebi biro ya intelligence ya Kore. Kongole nini na Kore, ayebi place biro ya intelligence ya Kore zali. Atombola musala. Moi, j'ai été là. Na la police. Direction générale à la police. Moi, j'ai été là. La police elle va moninga na télévision ba bendingai. Et comme il makamba télévision, oui, et comme il makamba télévision parce que tozani ba citoyen quand même na mboka oyo on paye d'état. Lelo bino boningi ba payate. À tout moment okozonga mukoloni, okozonga mukoloni. Mais siko tozo sala pour que tozonga pa na biso boningi li société parce que mutu o azui entre guillemets, o azui pouvoir na zalaki pe na kati ba kota na kati lokuta etiseke. Mutu azui pouvoir, ce qui azui pouvoir ba Congolais belé na Corée ba kozala wa tete kozonga. Mais pourquoi besoin empêcher biso ke pour que azwa pouvoir wa effectivement. Police ayé autorisé. Autorisé bino. Mais à condition bozala na 100 mètres yambassade. C'est vrai mibé kwa Corée le bibongo. Même na bango mo ba Coréen c'est comme ça. Ça bien bon, ça va. Na ambassade à Belgique pe ndenge moko. Tokenena na ambassade ya Belgique. C'est moi qui ai li mukanda ya déclaration ya biso ba congolais communauté congolaise. Liboso ya ambassadeur ya Belgique abima libanda. Tozala na 100 mètres, 100 mètres ale tokota, tokoti na kati. Na kati pena na rez-de-chaussée ya ambassade tokota. Ba vidéo ezali. C'est moi qui ai li la déclaration ya communauté congolaise. C'est moi qui ai parlé na ambassadeur, na ndeko na biso moko Peter azali muluba. Azali na Corée, akoyi koyebisa bino yango. Biso mi balé, na ndeko na Peter. Azali leki na biso. Tozalaki ba délégué police aponi, bokende na kati ambassade te ba délégué mi balé ba kende ambassade. Ngai na Peter tokenda. To signaler bango so tokeyi quelques minutes après bola. Antroupement bango de soubaye, ambassadeur abimi. Azolenga, ambassadeur azolenga. Vidéo ezali. Na lobby, ndeko Peter a lobby. Tolongo wana, ambassade États-Unis. Représentant ambassade États-Unis, ya ko bima, ngamu tuna loba. Gainande ko oh Peter ba pona ba délégué ba ya tokeda liboso ya ambassade des États-Unis représentant ya ya mission je pense humanitaire aye ko bima ngai mutu na lobana ye erwana na za tribalistique erwana na za jalousie erwana na za enete erwana na za mutabandunduté na za moyakate tout le monde professeur na biso mwana mboka élite voilà. Lelo Oyo. Hein, Félix. Ngai nazali, ndenge na wutiko lobane bande, nazali opposa ya Kabila. Banda ba ya, banda Afdel ekota na mboka na biso. Na yebi Sabino, histoire ya famille na ngai, na bato Afdel, ndenge nini, mwana na ngai akufa. Mwana na ngai akufa. Pona bato ya Afdel ba Kabila Oyo. Kolongwa na longwe na Congo nazalaki na N na bato Afdel na ke na Corée na tikala jamais koloba ezala ba étudiant na ngai ezala ba Corée nyonso na télévision partout na tikala jamais koloba likambo moko na zoloba sans que na silisa ou bien na banda par Kabila na Congo par ndenge nini bato bazobo mabiso na Congo ba Corée nyonso ba yebi. Na monde nous ba Corée bazali demander na ba Corée ba voyez sabino partout oyo na lobaka na tikala jamais soit na bandi na Congo ou bien na sista na Congo na sista toujours na Congo ou bien na banda toujours na Congo toujours contre Kabila Félix Ayé mwana mboka oui tondimi mais quel mwana mboka hein à côté na pouvoir na ye. Na présidence a na plus de 1000 personnes bande konaye baluba vraiment ba dénoncé té Congo na plus de 400 ethnies autozanango plus de 400 yo yé na président au comité plénaire de la république ozali président ya baluba té ozali président ya ba congolais na tango yo ozui 90% ou engagé na présidence kaka bande konayo baluba. Yo za tribaliste te, batu oyo bazo denonse, ezala kaboye te, kaka baluba te, batu bazo denonse te, bakomi ba tribaliste. Mes chers amis, il faut ko pekisa batu ba liaka mboa. Parce que batu nyoso oyo bazali ko atake biso ke boza ba tribaliste, bango moko baza ba tribaliste. Et so otali malam, pourquoi batu oyo? Ce sont des humains comme nous. Mais pourquoi agissement na bango ezali contraire na agissement ba kimisu? Mobutu était là, Mobutu n'a pas placé 80% de Mbandi na présidence. Kasavubu était là, Kasavubu n'avait pas placé 90% ya ba Nekongo na présidence. Lumumba premier ministre a placé qui ba tété là 90% té na présidence. Kabila Joseph même Chaza Rwandais na présidence na ye, il n'a pas placé 90% ya ba Rwandais na présidence. Mais pourquoi et pas ya Félix, il faut bondima, bondima, boboya te. Ce que boy osa tribaliste, ce que boy osa aîné, ce que boy il faut ka kondima, ondima kaka. Pourquoi? Voilà aujourd'hui. J'ai expliqué ça brièvement dans le lobby. Majorité parlementaire, Bandeko. Majorité parlementaire, Oyo Bozali. Avant, on a commandé la majorité parlementaire. Qui en a expliqué, même Bandeko, comme si on a zoomé dans la résistance, qui s'étonne, Batouba Lobake, élection, il y a lobby, et ça là qui est transparente. Vraiment, mes chers amis, Bonimbisangai. Er nyonso soki ozali ko utiliser, même tozali ko tanga, même ozali ko sala ba life na biso, même ozali ko poster, er nyonso tozalaka ko utiliser ka dictionnaire. Ba dictionnaire eza ba sorte ebele. Tozali na dictionnaire français, tozali na ba dictionnaire spécialisé na ba domaine, par exemple dictionnaire politique. Ezali. Mes chers amis, Soki ba tobalobi élection wana ezalaki transparent. Ça veut dire quoi? Hein? Congolais zandengini. Ça veut dire quoi élection transparente? Moi je l'ai dit. Namoni ndeko na biso Fabio Koswanika a commis yango, ba tobazo attaquer. Oh non, élection transparente, bo komi sous élection transparente. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous allez confondre entre élection transparente na élection libre. Élection transparente au tozo loba. Au to mona ki lobby. To moni mboso. Le mouyaka milvorisé. To moni ye a lobby ba témoin ba ya. Ba irne ya vote e ya. Bo fungola, ba fungoli. Ba témoin boya, bo vérifier mikanda ba témoin ba vérifier. Mutu na mutu ape sa témoin na ye, ba pesi ba vérifier. Bo fungola ba tubatala na kati ni nezali, ba vérifier. Ba bilete de vote ya, ba ye nango. Bo compter ba bilete de vote, ba compter. Mutu moko moko na liste ba député aya ko voter. To moni mutu na mutu aye télévision caméra ezola ki sa. Mutu aye azu papier akena une na isoloir pour plutôt a voter aye a kotisi na une basilisi ba fungoli télévision caméra ezomona mutu no zomona ba bandi ko tanga moko moko erreur ezali batu bagangi ba corriger et ba ye ko bimisa résultat na bango. La Congolaise rwandalisée, Mabunda, out. Mais c'est ça la transparence, mon Dieu, mon œil. C'est ça la transparence. Banda et Bandeli, c'est-à-dire que transparence, Zanini, ça vient du mot transparent. C'est-à-dire que okoki komona, et loko moko ko bare yo vision exacte. Parce que ce qui va barrer yo vision, manœuvre moko ko yiko leka, ba ko yiko fraude. La transparence signifie il y a pas eu de fraude monnaie congolais. Cette élection ezalaki transparent to moni yango. Mais maintenant, ce que vous confondez libre. Voilà. Ezalaki liberté. Ce qui est bon, c'est que l'élection est libre. Là, vous avez raison à quoi attaquer. Mais cette élection est libre, c'est dans le sens que, un d'abord, conscience est là qui est dans la bataille pour voter. Bambongo et Tamboli, corruption. Corruption. Pardon. Dictionnaire est acheté. Et d'ailleurs, ma dictionnaire na ligne est allié belé. Que ce soit ma dictionnaire, il y a politique, par exemple, parce qu'on parle de la politique. Que ce soit dictionnaire français, est allié, na ligne, na tango dans la carte à téléphone, na yo, téléchargez dictionnaire. Moana peut-être, il y a de ces mots, yebi yango malamouté, mais luka dictionnaire consulté yango, et li kolobanini, que aucun de mbangu, vous pouvez commenter. Oh, bah, tu me souviens, Bazolo, élection transparente, élection transparente. Mais l'élection a été transparente. Transparente. Nana lobby que banda, yeko tcha ba irne wana, na ba témoin, na ko vérifié. Et loko moko ya transparente, et zala kite. Flou moko zala ki nakat. Nana yel kanga flou ango zala kini. Vous confondez transparente na libre. Est-ce que conscience yabatouan ezalaki vraiment stable pour pas voter? C'est la corruption. Et na vote yango, il faut le savoir que na kati ya PPRD entre Bango, Mabunda n'a pas bien géré parlement na Bango. Na kati na Bango, ma conflit déjà ezalaki. Cette élection, c'est une punition à Mabunda. Bandeko na ye. C'est corrompu de député. Ba venger contre ye. Alors, Félix a eu Bango, majorité parlementaire. Mes chers amis, Ezali Malam. Ezali Malam. Mais il faut qu'on y ait. Est-ce que ça, c'est une majorité parlementaire de forme ou bien c'est une majorité parlementaire de fond? Et si Kabiso ba Congolais, toujours Kabona Yangwana, est-ce que Ezali, majorité parlementaire, il y a forme ou bien majorité parlementaire de fond? Je m'explique. Majorité parlementaire de fond. Ezali Moutou Oyo Azali a âme et conscience. Ba membre na bino. Ba membre na bino. Ya ba parti politique na bino. Bosali campagne sur base ya projet de société na bino. Congolais ou akeyi ko vote ye. Ayebi ke nazo vote moutou ya IDPS. Na yebi ke moutou ya IDPS. Ako we langay. Pour un projet de société, où il y a président de l'IDPS, va pesaki. Natangwa keina parlement, a comme ma mibeko ya IDPS, ou balingi ko kota namboka. A comme ma ba pense ya IDPS, ko namboka. Bozali, conscience tranquille, que tozali na ba député na biso, tozali na majorité na biso. Ou bazo défendre valeur na biso. Au bazo défendre projet de société na biso. Au bazali ko défendre idéologie ya parti na biso. Voilà la majorité parlementaire de fond. Mais une majorité parlementaire de forme, de kabiliste, corrompu, banda bazali et sikawana. Banda Barbina Bango Azala qui est président. Ces gens n'ont voté des lois que pour protéger le Barbu. Ces gens n'ont voté des lois que pour protéger les Rwandais. Minembo Yangoana. Bango Moko Basetaye Basale. Oya ba parlementaire, nyo soya monde. Bakokalina Basalaire na Bangote. Bango moko ba tieni Barbie na bango salaire, même si a longwe musala, mais aza toujours na salaire. Voilà. C'est corrompu. En âme et conscience, bo yebi ke bo zui bango na corruption. Bo zui bango. Na bargiment. Pour na intérêt yambo kati. Bozui bango na force ya mbongo. Boyebi bien, bozui bango na force ya mbongo. Lelo croyez-vous? Parce que ba lobby bazala ki soki 281, oyo ba changer de côté, ba komi ba saint, ma beza soute, zéro faute. Lelo na yoki ki 60 li sous babakisami. Peut-être lobby 100 bako bakisama. Lobby kuna 100 li sous bako bakisama. Bako koma sikoyo 500. Croyez-vous que Mutuloko la mère Mende azali vraiment a cause la vraiment majorité parlementaire? Yabino? Croyez-vous que Nehemi a cause la majorité parlementaire yabino? Même les Mbosso. Entre parenthèses, les grands Mouyaka, Mbosso. Non, Mbosso est petit Mouyaka, parce qu'avec moi, je suis patriote Mouyaka. Mbosso. Ce que Mbosso a yébani, c'est grâce à Barbie. Croyez-vous que majorité parlementaire, on est allé majorité Nabino, majorité de fonds? Voilà. Aujourd'hui, les Congolais ont commis cause à la contre Félix T. Il faut dire ma Félix. Un régime avec opposition zéro. Un régime sans critique. Un régime sans co-dénoncer. Botika tribalisme est continué. Botika Félix a engagé Bandekonaye Balouba chaque jour. Botika Félix a détourné Bambongo chaque jour. Botika Félix se ayokitaka biso soni à l'étranger chaque jour. Kolobeloko mokote, critique zéro, opposition zéro, parti état. Papa bo Félix. Mama bo UDFS. Parti bo Union sacrée de la nation. Et bobengi yango démocratie, bobengi yango état de droit, bobengi yango le peuple d'abord. Peuple a s'opposé te au bomaye, au yibaye, au détourné mbongo na ye. Peuple a dénoncé loko te kanga noa. C'est ça. Ceux qui ont dénoncé non aux akabilis kende kozwa carte ya PPRD. Je m'adresse à vous, bande konangai, les vrais Congolais. Les dangers au Ezoye la biso, c'est quoi? Et d'abord, voyez le comportement ya bande kona biso oyo. Voyez le comportement ya bino na bango, bo moni yango na deux ans oyo. Na deux ans oyo, et Kabila pèse sur ce pouvoir. Vous avez vu bande kona biso loba. Moutoua loba te, moutoua kosola te, moutoua critiquer Félix te. Bato moussousou balobion ko critiquer me ko finga te. Mais l'idiot n'est pas insulté. Idiot ça signifie quoi? Bozo ba dictionnaire nabino estika bo vandi. Consultez dictionnaire nabino. Idiot et l'inko lobani. En pédagogie, les maîtres, ba klasaka bana pe, et la catégorie abana ba klasaka ba idiot. Les alliés de la pédagogie, les enseignants peuvent témoigner. Moi, je suis pédagogue, dans la pédagogie, j'ai enseigné. Dans le rapport, il y a une catégorie d'idiots. Les alliés, c'est-à-dire que le pédagogue, le maître, va insulter la bana. Idiot signifie, ça signifie moutou, oh, il y a une intelligence. C'est vrai, quand je dis Félix, il y a une intelligence. Mais prouvez-moi qu'il y a une intelligence dans la moitié. Intelligence, dans ma cause, il y a une intelligence. Intelligence qu'on papa batou ma machette. Intelligence qu'on attaque batou na ba aéroport. Intelligence qu'on luka batou beta bango. Intelligence qu'on corrompre ba député, y a moins d'intelligence. Non, qu'on beta batou, qu'on luka batou, qu'on attaque batou, qu'on emprisonne batou, qu'on corrompre batou. Ezali ba argument, ya batou oyo bazali ba idiot. Intelligence ezate po a gouverner. Maye la gouverner ezate. Alors, pour Atika Lawana, qu'est-ce qu'il va utiliser? A quoi utiliser la force? A quoi utiliser la ruse? Bah mensonge? A quoi utiliser Kindo? Parce que Maye le pot a dirigé Ezate. Moutou Oyo. Moutou Oyo. Ayebi Moussala na ye. Réponse, ya batou Oyo bazali ko critique ye. Même na ba vieille démocratie, ba critique Ezali. Même na vieille démocratie, ba qualification comme ba idiot ezali. Na ba vieille démocratie ezali. Alors, la seule façon ya correspondre batou. La seule façon ya correspondre batou. Ezali, ku utiliser intelligence na yo, ku utiliser expertise na yo, ku utiliser expérience na yo, na misala. Ba lobi yo détourner mbongo. O répondre batou na ndenge. Na détourner mbongo te. Tala mbongo ndenge yaki. Tala ba preve yango. Tobimisi mbongo na bank otan. Mbongo wane kei na mustala otan. Ekei na boy. Na mustala boy. Preve yango. Boleka. Ba journalist. Boleka botala. Mustala boy. Mbongo boy. Tosala ki esika boy. Ba journalist. Boleka botala. Ba journalist ba woyawa yisa biso ke. Bino bozali lukuta. Mbongo bolobia yibi. Tala mbongo ndenge kei na mustala X. Na mustala Y. Bo kanganua. Toko kanganua. Mais ce qui bomoni batou, le peuple observe, mbongo bobimisi, ba preuve bobimisa mbongo ezali. Mais est-ce que mbongo ekeyi tozo monate? 1,8 milliard de dollars, na jour à liboso bozwa ki pouvoir, na lelo, trace mokote, mbongo an ekeyi wapi. 600 millions de dollars, na lelo, mbongo na toyebite, ekeyi wapi. Ainsi de suite. Mais, mes chers amis, tout le bâté. Ce que l'obi makamba mbongo wana, osali tribali. Ce que l'obi, osali aimé, osali jaloux. Mais, haine ya nini. Tala ngai esika nazali lelo na moment onde to sola esika nazali. Bomoni oyo. Oh, c'est de ce côté. Voilà. Ma pesa ngone n'importe qui te. Nazana musala. Na lobi kote nazana musala, nazana misala. Nazana misala, nazana haine mon côté. Nazana haine mon côté. Nazak tribaliste, c'était, je vous ai détaillé. La plupart y'a batou, oyo na eda mingi, na ba congolais. La plupart y'a batou, oyo na eda mingi, ce sont les Luba. Bazali, na mboka kore. Bozo ba téléphone na bino bobenga. Bobenga ba Luba, te pas se ba Luba bandi marate. Bobenga ba tomso ba koyebisa. La plupart des gens que moi j'ai aidé, pas se ba Luba. Na ebisi bino, j'ai sauvé un Luba na Malaisie, na pandezon. Ba tche singa, ba diem bikaye. Azalaki mouloupa. Azalaki mouyakate, mouloupa. Franchement, na bandeko kolo makambo a risque tozo kende, bandeko oyo na pouvoir oyo kabila pesi bango nanu ya mouke, na 2 ans oyo bomoni, pouvoir ya mouke. Pouvoir ya mouke, kabila pesi bango. Bomoni façon bazo se comporter. Bomoni façon bazo se comporter. Et ce qui Kabila pèse bango pouvoir. Bon, nalo ba Kabila pèse bango te. Ce qui ndenge ba bengani Kabila. Balobi ba bengani Kabila te. Mais na moni Kabila na avion azo mata soute. Balobaki Kabila ko iko mata soute. Avion azo ango soute. Ti na boloko. Mais na moni Kabila na avion. Na likati soki na katanga kuna na moni batu ba yena aéroport ba yeko ya bakata. Soki vraiment bo pesi Félix pouvoir nyonso total. Parti bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Boko lela na munoko ya mboka. Baku diata diata pinu lukula bakayasa boko moni. Mais pour na biso la lutte continue. Biso Banti valait comme Félix dégage. Kabila dégage, Félix dégage. Merci pour Nalelo. Nazali na parlé des nations. Oh, bah, il parlait des nations, bah, ya. Na pesa ki chambre. Na pesa ki numéro à chambre. Botala na Facebook numéro à chambre, Zali, boya. So ki bozali na mokanda yangui, boya. Na parlé des nations. So ki boya yu parlé des nations, te Ezali. Biro ya oni, boya, nazo zela binukuna. Pona oya biso bandeko, la résistance continue. Bien au contraire, to komi très fort. On va maintenant voir. Bolo baike, to bengana nanu Kabila, après to tala makama peli. To wakinda ya iza contrat to signati. Siko yo, merci, bravo, bo bengani Kabila. Kabila ke iya zana prison. Alors, siko to tala makama Félix. Isalome bata. Kotika la malam. Bye-bye.